Thérèse Raquin, chapitre 10. Près de 3 semaines se passèrent. Laurent revenait à la boutique tous les soirs. Il paraissait là, comme malade. Un léger cercle bleuâtre entourait ses yeux. Ses lèvres pâlissaient et se gerçaient. D'ailleurs, il avait toujours sa tranquillité lourde. Il regardait Camille en face et lui témoignait la même amitié franche. Madame Raquin choyait davantage l'ami de la maison depuis qu'elle le voyait s'endormir dans une sorte de fièvre sourde. Thérèse avait repris son visage muet et rechigné. Elle était plus immobile, plus impénétrable, plus paisible que jamais. Il semblait que Laurent n'existât pas pour elle. Elle le regardait à peine, lui adressait de rares paroles, le traitait avec une indifférence parfaite. Madame Raquin, dont la bonté souffrait de cette attitude, disait parfois au jeune homme « Ne faites pas attention à la froideur de ma nièce. Je la connais. Son visage paraît froid, mais... son cœur est chaud de toutes les tendresses et de tous les dévouements. » Les deux amants n'avaient plus de rendez-vous. Depuis la soirée de la rue Saint-Victor, ils ne s'étaient plus rencontrés seuls. Le soir, lorsqu'ils se trouvaient face à face, en apparence tranquilles et étranges l'un à l'autre, des orages de passion, d'épouvante et de désir passaient sous la chair calme de leurs visages. Et il y avait dans Thérèse des emportements, des lâchetés, des railleries cruelles. Il y avait dans Laurent des brutalités sombres, des indécisions poignantes. Eux-mêmes n'osaient regarder au fond de leur être, au fond de cette fièvre trouble qui emplissait leur cerveau d'une sorte de vapeur épaisse et âcre. Quand ils pouvaient, derrière une porte, sans parler, ils se serraient les mains à se les briser, dans une étreinte rude et courte. Ils auraient voulu, mutuellement, emporter des lambeaux de leur chair, collés à leurs doigts. Ils n'avaient plus que ce serrement de mains pour apaiser leurs désirs. Ils y mettaient tout leur corps. Ils ne se demandaient rien d'autre chose. Ils attendaient. Un jeudi soir, avant de se mettre au jeu, les invités de la famille Raquin, comme à l'ordinaire, eurent un bout de causerie. Un des grands sujets de conversation était de parler au vieux Michaud de ses anciennes fonctions, de le questionner sur les étranges et sinistres aventures auxquelles il avait dû être mêlé. Alors, Grivet et Camille écoutaient les histoires du commissaire de police avec la face effrayée et béante des petits-enfants qui entendent Barbe Bleue ou le Petit Poucé. Cela les terrifiait et les amusait. Ce jour-là, Michaud, qui venait de raconter un horrible assassinat dont les détails avaient fait frissonner son auditoire, ajouta en hochant la tête. « Et l'on ne sait pas tout, que de crimes restent inconnus. » Que d'assassins échappent à la justice des hommes. « Comment ?» dit Grivet, étonné. « Vous croyez qu'il y a, comme ça dans la rue, des canailles qui ont assassiné et qu'on n'arrête pas ?» Olivier se mit à sourire d'un air de dédain. « Mon cher monsieur, répondit-il de sa voix cassante, si on ne les arrête pas, c'est qu'on ignore qu'ils ont assassiné. » Ce raisonnement ne parut pas convaincre Grivet. Camille vint à son secours. « Moi, je suis de l'avis de Monsieur Grivet, » dit-il avec une importance bête. « J'ai besoin de croire que la police est bien faite et que je ne coudoierai jamais un meurtrier sur un trottoir. » Olivier vit une attaque personnelle dans ses paroles. « Certainement, la police est bien faite, » s'écria-t-il d'un ton vexé. Mais nous ne pouvons pourtant pas faire l'impossible. Il y a des scélérats qui ont appris le crime à l'école du diable. ils échapperaient à Dieu lui-même, n'est-ce pas, mon père ? Oui, oui, appuya le vieux Michaud. Ainsi, lorsque j'étais à Vernon, vous vous souvenez peut-être de cela, madame Raquin, on assassina un roulier sur la grande route. Le cadavre fut trouvé coupé en morceaux au fond d'un fossé. Jamais on a pu mettre la main sur le coupable. Il vit peut-être encore aujourd'hui. Il est peut-être notre voisin et peut-être Monsieur Grivet va-t-il le rencontrer en rentrant chez lui. Grivet devint pâle comme un linge. Il n'osait tourner la tête. Il croyait que l'assassin du roulier était derrière lui. D'ailleurs, il était enchanté d'avoir peur. « Ah bien, non !» balbutia-t-il, sans trop savoir ce qu'il disait. « Ah bien non, je ne veux pas croire cela. Moi aussi, je sais une histoire. » Il y avait une fois une servante qui fut mise en prison pour avoir volé à ses maîtres un couvert d'argent. Deux mois après, comme on abattait un arbre, on trouva le couvert dans un nid de pie. C'était une pie qui était la voleuse. On relâcha la servante. Vous voyez bien que les coupables sont toujours punis. Grivet était triomphant. Olivier ricanait. Alors, dit-il, on a mis la pie en prison. Ce n'est pas cela que M. Grivet a voulu dire, reprit Camille, fâché de voir tourner son chef en ridicule. Mère, donnez-nous le jeu de domino. Pendant que Madame Raquin allait chercher la boîte, le jeune homme continua en s'adressant à Michaud. Alors, la police est impuissante, vous l'avouez. Il y a des meurtriers qui se promènent au soleil. Et malheureusement, oui, répondit le commissaire. C'est immoral, conclut Grivet. Pendant cette conversation, Thérèse et Laurent étaient restés silencieux. Ils n'avaient pas même souri de la sottise de Grivet. Accoudés tous deux sur la table, légèrement pâles, les yeux vagues, ils écoutaient. Un moment, leurs regards s'étaient rencontrés, noirs et ardents. Et de petites gouttes de sueur perlaient à la racine des cheveux de Thérèse. Et des souffles froids donnaient des frissons imperceptibles à la peau de Laurent. Thérèse Raquin, chapitre 11. Parfois, le dimanche, lorsqu'il faisait beau, Camille forçait Thérèse à sortir avec lui, à faire un bout de promenade aux Champs-Élysées. La jeune femme aurait préféré rester dans l'ombre humide de la boutique. Elle se fatiguait. Elle s'ennuyait au bras de son mari qui la traînait sur les trottoirs, en s'arrêtant aux boutiques, avec des étonnements, des réflexions, des silences d'imbéciles. Mais Camille tenait bon. Il aimait à montrer sa femme. Lorsqu'il rencontrait un de ses collègues, un de ses chefs surtout, il était tout fier d'échanger un salut avec lui, en compagnie de madame. D'ailleurs, il marchait pour marcher, sans presque parler, roide et contrefait dans ses habits du dimanche, traînant les pieds, abruti et vaniteux. Thérèse souffrait d'avoir un pareil homme au bras. Les jours de promenade, Madame Raquin accompagnait ses enfants jusqu'au bout du passage. Elle les embrassait comme s'ils fussent partis pour un voyage. Et c'était des recommandations sans fin, des prières pressantes. Surtout, leur disait-elle, prenez garde aux accidents. Il y a tant de voitures dans ce Paris. Vous me promettez de ne pas aller dans la foule. Elle les laissait enfin s'éloigner, les suivant longtemps des yeux. Puis elle rentrait à la boutique. Ses jambes devenaient lourdes et lui interdisaient toute longue marche. D'autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris. Ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières et mangeaient une friture dans un des restaurants du bord de l'eau. C'était des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l'avance. Thérèse acceptait plus volontiers, presque avec joie, ces courses qui la retenaient en plein air jusqu'à 10 et 11 heures du soir. Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon. Elle y sentait se réveiller toutes les amitiés sauvages qu'elle avait eues pour la Seine, étant jeune fille. Elle s'asseyait sur les graviers et trempait ses mains dans la rivière, se sentait vivre sous les ardeurs du soleil qui tempérait les souffles frais des ombrages. Tandis qu'elle déchirait, souillait sa robe sur les cailloux et la terre grasse, Camille étalait proprement son mouchoir et s'accroupissait à côté d'elle avec mille précautions. Dans les derniers temps, le jeune couple emmenait presque toujours Laurent, qui égayait la promenade par ses rires et sa force de paysan. Un dimanche, Camille, Thérèse et Laurent partirent pour Saint-Ouen vers 11 heures, après le déjeuner. La partie était projetée depuis longtemps et devait être la dernière de la saison. L'automne venait, des souffles froids commençaient le soir à faire frissonner l'air. Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue. Il faisait chaud au soleil, et l'ombre était tiède. On décida qu'il fallait profiter des derniers rayons. Les trois promeneurs prirent un fiacre, accompagnés des doléances, des effusions inquiètes de la vieille mercière. Ils traversèrent Paris et quittèrent le fiacre aux fortifications. Puis ils gagnèrent Saint-Ouen, en suivant la chaussée. Il était midi. La route couverte de poussière, largement éclairée par les rayons du soleil, avait des blancheurs aveuglantes de neige. L'air brûlé, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à petits pas, se cachant sous son ombrelle, tandis que son mari s'éventait à la face avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou, sans qu'il parût rien sentir. Il sifflait, il poussait du pied des cailloux et, par moments, il regardait avec des yeux fauves les balancements de hanches de sa maîtresse. Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de trouver un bouquet d'arbres, un tapis d'herbe verte étalé à l'ombre. Ils passèrent dans une île et s'enfoncèrent dans un taillis. Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait sous les pieds avec des frémissements secs. Les troncs se dressaient droits, innombrables comme des faisceaux de colonnettes gothiques. Les branches descendaient jusque sur le front des promeneurs, qui avaient ainsi pour tout horizon la voûte cuivrée des feuillages et les fûts blancs et noirs des trembles et des chênes. Ils étaient au désert, dans un trou mélancolique, dans une étroite clairière silencieuse et fraîche. Tout autour d'eux, ils entendaient la Seine gronder. Camille avait choisi une place sèche et s'était assise en relevant les pans de sa redingote. Thérèse, avec un grand bruit de jupe froissée, venait de se jeter sur les feuilles. Elle disparaissait à moitié au milieu des plis de sa robe qui se relevait autour d'elle, en découvrant une de ses jambes jusqu'aux genoux. Laurent, couché à plat ventre, le menton dans la terre, regardait cette jambe et écoutait son ami qui se fâchait contre le gouvernement, en déclarant qu'on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais, avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés, comme Tuileries. Ils restèrent près de 3 heures dans la clairière, attendant que le soleil fût moins chaud, pour courir à la campagne avant le dîner. Camille parla de son bureau Il conta des histoires niaises. Puis, fatigué, il se laissa aller à la renverse et s'endormit. Il avait posé son chapeau sur ses yeux. Depuis longtemps, Thérèse, les paupières closes, feignait de sommeiller. Alors, Laurent se coula doucement vers la jeune femme. Il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc qu'il baisait, lui brûlait la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient. En allumant son sang, en irritant ses nerfs. Depuis un mois, il vivait dans une chasteté pleine de colère. La marche au soleil, sur la chaussée de Saint-Ouen, avait mis des flammes en lui. Maintenant, il était là, au fond d'une retraite ignorée, au milieu de la grande volupté de l'ombre et du silence. Et il ne pouvait presser contre sa poitrine cette femme qui lui appartenait. Le mari allait peut-être s'éveiller, le voir, déjouer ses calculs de prudence. Toujours, cet homme était un obstacle. Et l'amant, aplati sur le sol, se cachant derrière les jupes, frémissant et irrité, collait des baisers silencieux sur la bottine et sur le bas blanc. Thérèse, comme morte, ne faisait pas un mouvement. Laurent crut qu'elle dormait. Il se leva, le dos brisé, et s'appuya contre un arbre. Alors il vit la jeune femme qui regardait en l'air avec de grands yeux ouverts et luisants. Sa face, posée entre ses bras relevés, avait une pâleur mate, une rigidité froide. Thérèse songeait. Ses yeux fixes semblaient un abîme sombre où l'on ne voyait que de la nuit. Elle ne bougea pas. Elle ne tourna pas ses regards vers Laurent, debout derrière elle. Son amant la contempla, presque effrayé de la voir si immobile et si muette sous ses caresses. Cette tête blanche et morte, noyée dans les plis des jupons, lui donna une sorte d'effroi plein de désirs cuisants. Il aurait voulu se pencher et fermer d'un baiser ses grands yeux ouverts. Mais, presque dans les jupons, dormait aussi Camille. Le pauvre être, le corps déjeté, montrait sa maigreur, ronflait légèrement. Sous le chapeau, qui lui couvrait à demi la figure, on apercevait sa bouche, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête. De petits poils roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde. Et comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre, ridé, au milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d'un rouge brique, remontait à chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble. Laurent, qui le regardait, leva le talon d'un mouvement brusque. Il allait d'un coup lui écraser la face. Thérèse retint un cri. Elle pâlit et ferma les yeux. Elle tourna la tête comme pour éviter les éclaboussures de sang. Et Laurent, pendant quelques secondes, resta le talon en l'air, au-dessus de Camille endormie. Puis lentement, il replia la jambe et s'éloigna de quelques pas. Il s'était dit que ce serait là un assassinat d'imbécile. Cette tête broyée lui aurait mis la police sur les bras. Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse. Il entendait vivre au soleil, après le crime, comme le meurtrier du roulier dont le vieux Michaud avait conté l'histoire. Il alla jusqu'au bord de l'eau, regarda couler la rivière d'un air stupide. Puis, brusquement, il entra dans le taillis. Il venait enfin d'arrêter un plan, d'inventer un meurtre commode et sans danger pour lui. Alors, il éveilla le dormeur en lui chatouillant le nez avec une paille. Camille éternua, se leva, trouva la plaisanterie excellente. Il aimait Laurent pour ses farces qui le faisaient rire. Puis, il secoua sa femme, qui tenait les yeux fermés. Lorsque Thérèse se fut dressée et qu'elle eut secoué ses jupes, fripées et couvertes de feuilles sèches, les trois promeneurs quittèrent la clairière, en cassant des petites branches devant eux. Ils sortirent de l'île. Ils s'en allèrent par les routes, par les sentiers pleins de groupes endimanchés. Entre les haies, couraient des filles en robe claire. Une équipe de canotiers passait en chantant. Des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de commis avec leurs épouses, marchaient à petits pas au bord des fossés. Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul gardait sa tranquillité large. Il baissait vers l'horizon et jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d'immenses nappes de clarté pâle. Du ciel frissonnant, commençait à tomber une fraîcheur pénétrante. Camille ne donnait plus le bras à Thérèse. Il causait avec Laurent, riait des plaisanteries et des tours de farce de son ami, qui sautait les fossés et soulevait de grosses pierres. La jeune femme, de l'autre côté de la route, s'avançait, la tête penchée, se courbant parfois pour arracher une herbe. Quand elle était restée en arrière, elle s'arrêtait et regardait de loin son amant et son mari. « Hé, tu n'as pas faim ?» finit par lui crier Camille. « Si, » répondit-elle. « Alors, en route ?» Thérèse n'avait pas faim. Seulement, elle était lasse et inquiète. Elle ignorait les projets de Laurent. Ses jambes tremblaient sous elle d'anxiété. Les trois promeneurs revinrent au bord de l'eau et cherchèrent un restaurant. Ils s'attablèrent sur une sorte de terrasse en planches, dans une gargote puant la graisse et le vin. La maison était pleine de cris, de chansons, de bruits de vaisselle. Dans chaque cabinet, dans chaque salon, il y avait des sociétés qui parlaient haut, et les minces cloisons donnaient une sonorité vibrante à tout ce tapage. Les garçons, en montant, faisaient trembler l'escalier. En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs du graillon. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche, s'étendaient deux files de guinguettes et de baraques de foire. Sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des nappes, les taches noires des paletots, les jupes éclatantes des femmes. Les gens allaient et venaient nu-tête, courant et riant, et au bruit criard de la foule se mêlaient les chansons lamentables des orgues de barbarie. Une odeur de friture et de poussière traînait dans l'air calme. Au-dessous de Thérèse, des filles du quartier latin, sur un tapis de gazon usé, tournaient en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leur visage pâle, que des caresses brutales avaient martelées, se coloraient tendrement de rougeur de vierge. Dans leurs grands yeux impurs, passaient des humidités attendries. Des étudiants, fumant des pipes de terre blanche, les regardaient tourner en leur jetant des plaisanteries grasses. Et au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir, un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente. « Eh bien !» cria Laurent en se penchant sur la rampe de l'escalier. « Garçon, et ce dîner ?» Puis, comme se ravisant, « Dis donc, Camille, » ajouta-t-il, « si nous allions faire une promenade sur l'eau avant de nous mettre à table, on aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant une heure à attendre. » « Comme tu voudras, » répondit nonchalamment Camille. « Mais Thérèse a faim. »« Non, non, je puis attendre. » se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes. Ils redescendirent tous trois. En passant devant le comptoir, ils retinrent une table. Ils s'arrêtèrent un menu, disant qu'ils seraient de retour dans une heure. Comme le cabaretier louait des canaux, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque dont la légèreté effraya Camille. Diable, dit-il, il ne va pas falloir remuer là-dedans. On ferait un fameux plongeon. La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barboter dans la Seine. Tandis que ses camarades d'école couraient se jeter en pleine rivière et se coucher entre deux couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont des eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons, entre donc !» lui cria Laurent en riant. « Tu trembles toujours !» Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises. Il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait la mare. Il se baissa et rapidement, à voix basse, « Prends garde, murmura-t-il, je vais le jeter à l'eau. Obéis-moi, je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle se raidissait, les yeux agrandis. « Entre donc dans la barque, » murmura encore Laurent. Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah, ah !» cria Camille. « Laurent, regarde donc Thérèse. C'est elle qui a peur. Elle n'entrera pas. » Il s'était étalé sur le banc de l'arrière, les deux coudes contre les bords du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l'avant. Laurent prit les rames. Le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur. Le crépuscule venait. De grandes ombres tombaient des arbres et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient. Les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient. Il faisait froid. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les deux rives, d'un brun sombre taché de gris, étaient comme de larges bandes qui allaient se rejoindre à l'horizon. L'eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant. Les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a dans les cieux des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres. Tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. la Seine, le ciel, les îles, les coteaux n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre, que c'est froid !» s'écria-t-il. « Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là !» Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les deux rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras, sombre et étroit, s'enfonçant entre deux îles. On entendait, derrière l'une des îles, les chants adoucis d'une équipe de canotiers qui devait remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras le corps. Le commis éclata de rire. « Ah non, tu me chatouilles, » dit-il. « Pas de ces plaisanteries-là, voyons, fini, tu vas me faire tomber. » Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Il voulut crier et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l'instinct d'une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse, Thérèse » appela-t-il d'une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant les deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rive. Elle ne pouvait fermer les yeux. Une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixée sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette. « Thérèse, Thérèse !» appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte. Laurent secouait toujours Camille en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher de la barque à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air, ainsi qu'un enfant, au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle de rage et d'épouvante, se tordit, avança les dents et lui enfonça dans son cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint 2 ou 3 fois sous l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure. Puis, il saisit entre ses bras Thérèse évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable. Les canotiers, dont il avait entendu les chants derrière la pointe de l'île, arrivaient à grands coups de rame. Ils comprirent qu'un malheur venait d'avoir lieu. Ils opérèrent le sauvetage de Thérèse qu'ils couchèrent sur un banc et de Laurent qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l'eau. Il chercha Camille dans les endroits où il ne pouvait être. Il revint en pleurant, en se tordant les bras, en s'arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler. « C'est ma faute !» criait-il. « Je n'aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait. À un moment, nous nous sommes trouvés tous les trois du même côté de la barque et nous avons chaviré. En tombant, il m'a crié de sauver sa femme. » Il y eut parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, 2 ou 3 jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l'accident. « Nous vous avons bien vu, » disait-il. « Aussi, que diable, une barque, ce n'est pas aussi solide qu'un parquet. Ah, la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil. » Ils reprirent leur rame. Ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant, où le dîner était prêt. Toussaint-Ouen sut l'accident en quelques minutes. Les canotiers la racontaient comme des témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret. Le gargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés. Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs. Elle éclata en sanglots déchirants. Il fallut la mettre au lit. La nature aidait la sinistre comédie qui venait de se jouer. Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant. Il voulut retourner seul à Paris pour apprendre l'affreuse nouvelle à Madame Raquin avec tous les ménagements possibles. La vérité était qu'il craignait l'exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d'apprendre son rôle. Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille. Thérèse Raquin, chapitre 12. Laurent, dans le coin sombre de la voiture publique qui le ramena à Paris, acheva de mûrir son plan. Il était presque certain de l'impunité. Une joie lourde et anxieuse, la joie du crime accompli, l'emplissait. Arrivé à la barrière de Clichy, il prit un fiacre. Il se fit conduire chez le vieux Michaud, rue de Seine. Il était 9h du soir. Il trouva l'ancien commissaire de police à table, en compagnie d'Olivier et de Suzanne. Il venait là pour chercher une protection, dans le cas où il serait soupçonné et pour s'éviter d'aller annoncer lui-même l'affreuse nouvelle à Madame Raquin. Cette démarche lui répugnait étrangement. Il s'attendait à un tel désespoir qu'il craignait de ne pas jouer son rôle avec assez de larmes. Puis la douleur de cette mère lui était pesante, bien qu'il s'en souciât médiocrement au fond. Lorsque Michaud le vit entrer vêtu de vêtements grossiers, trop étroits pour lui, il le questionna du regard. Laurent fit le récit de l'accident, d'une voix brisée, comme tout essoufflé de douleur et de fatigue. « Je suis venu vous chercher, » dit-il en terminant. « Je ne savais que faire des deux pauvres femmes si cruellement frappées. » Je n'ai point osé aller seul chez la mère. Je vous en prie, venez avec moi. » Pendant qu'il parlait, Olivier le regardait fixement, avec des regards droits qui l'épouvantaient. Le meurtrier s'était jeté, tête baissée, dans ses gens de police, par un coup d'audace qui devait le sauver. Mais il ne pouvait s'empêcher de frémir, en sentant leurs yeux qui l'examinaient. Il voyait de la méfiance où il n'y avait que de la stupeur et de la pitié. Suzanne, plus frêle et plus pâle, était près de s'évanouir. Olivier, que l'idée de la mort effrayait et dont le cœur restait d'ailleurs parfaitement froid, faisait une grimace de surprise douloureuse, en scrutant par habitude le visage de Laurent, sans soupçonner le moins du monde la sinistre vérité. Quant au vieux Michaud, il poussait des exclamations d'effroi, de commisération, d'étonnement. Il se remuait sur sa chaise, joignait les mains, levait les yeux au ciel. « Ah, mon Dieu !» disait-il d'une voix entrecoupée. « Ah, mon Dieu, l'épouvantable chose ! On sort de chez soi et l'on meurt comme ça, tout d'un coup. C'est horrible ! Et cette pauvre Madame Raquin, cette mère, qu'allons-nous lui dire ? Certainement, vous avez bien fait de venir nous chercher. Nous allons avec vous. » Il se leva, il tourna, piétina dans la pièce pour trouver sa canne et son chapeau, et tout en courant, il fit répéter à Laurent les détails de la catastrophe, s'exclamant de nouveau à chaque phrase. Ils descendirent tous quatre. À l'entrée du passage du pont Rouge Neuf, Michaud arrêta Laurent. « Ne venez pas, lui dit-il. Votre présence serait une sorte d'aveu brutal qu'il faut éviter. La malheureuse mère soupçonnerait un malheur et nous forcerait à avouer la vérité plus tôt que nous le devons la lui dire. Attendez-nous ici. » Cet arrangement soulagea le meurtrier, qui frissonnait à la pensée d'entrer dans la boutique du passage. Le calme se fit en lui. Il se mit à monter et à descendre le trottoir, allant et venant en toute paix. Par moments, il oubliait les faits qui se passaient. Il regardait les boutiques, sifflait entre ses dents, se retournait pour voir les femmes qui le coudoyaient. Il resta ainsi une grande demi-heure dans la rue, retrouvant de plus en plus son sang-froid. Il n'avait pas mangé depuis le matin. La faim le prit. Il entra chez un pâtissier et se bourra de gâteaux. Dans la boutique du passage, une scène déchirante se passait. Malgré les précautions, les phrases adoucies et amicales du vieux Michaud, il vint un instant où Madame Raquin comprit qu'un malheur était arrivé à son fils. Dès lors, elle exigea la vérité avec un emportement de désespoir, une violence de larmes et de cris qui firent plier son vieil ami. Et lorsqu'elle connut la vérité, sa douleur fut tragique. Elle eut des sanglots sourds, des secousses qui la jetaient à terre, en arrière, une crise folle de terreur et d'angoisse. Elle resta là, étouffant, jetant de temps à autre un cri aigu dans le grandement profond de sa douleur. Elle se serait traînée à terre si Suzanne ne l'avait prise à la taille, pleurant sur ses genoux, levant vers elle sa face pâle. Olivier et son père se tenaient debout, énervés et muets, détournant la tête, émus désagréablement par ce spectacle dont leur égoïsme souffrait. Et la pauvre mère voyait son fils rouler dans les eaux troubles de la Seine, le corps roidi et horriblement gonflé. En même temps, elle le voyait tout petit dans son berceau, lorsqu'elle chassait la mort penchée sur lui. Elle l'avait mis au monde plus de 10 fois. Elle l'aimait pour tout l'amour qu'elle lui témoignait depuis 30 ans. Et voilà qu'il mourait loin d'elle, tout d'un coup, dans l'eau froide des salles, comme un chien. Elle se rappelait alors les chaudes couvertures au milieu desquelles elle l'enveloppait. Que de soins, quelle enfance tiède, que de cajoleries et d'effusions tendres, tout cela pour le voir un jour se noyait misérablement. À ses pensées, Madame Raquin sentait sa gorge se serrer. Elle espérait qu'elle allait mourir, étranglée par le désespoir. Le vieux Michaud se hâta de sortir. Il laissa Suzanne auprès de la mercière et revint avec Olivier chercher Laurent pour se rendre en toute hâte à Saint-Ouen. Pendant la route, ils échangèrent à peine quelques mots. Ils s'étaient enfoncés chacun dans un coin du fiacre qui les cahotait sur les pavés. Ils restaient immobiles et muets au fond de l'ombre qui emplissait la voiture. Et par instant, le rapide rayon d'un bec de gaz jetait une lueur vive sur leur visage. Le sinistre événement qui les réunissait mettait autour d'eux une sorte d'accablement lugubre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au restaurant du bord de l'eau, ils trouvèrent Thérèse couchée, les mains et la tête brûlantes. Le traiteur leur dit à demi-voix que la jeune dame avait une forte fièvre. La vérité était que Thérèse, se sentant faible et lâche, craignant d'avouer le meurtre dans une crise, avait pris le parti d'être malade. Elle gardait un silence farouche, elle tenait les lèvres et les paupières serrées, ne voulant voir personne, redoutant de parler. Le drap au menton, la face à moitié dans l'oreiller, elle se faisait toute petite. Elle écoutait avec anxiété ce qu'on disait autour d'elle. Et au milieu de la lueur rougeâtre que laissaient passer ses paupières closes, elle voyait toujours Camille et Laurent luttant sur le bord de la barque. Elle apercevait son mari, blafard, horrible, grandi, qui se dressait tout droit au-dessus d'une eau limoneuse. Cette vision implacable activait la fièvre de son sang. Le vieux Michaud essaya de lui parler, de la consoler. Elle fit un mouvement d'impatience. Elle se retourna et se mit de nouveau à sangloter. « Laissez-la, monsieur, » dit le restaurateur. « Elle frissonne au moindre bruit. Voyez-vous, elle aurait besoin de repos. » En bas, dans la salle commune, il y avait un agent de police qui verbalisait sur l'accident. Michaud et son fils descendirent suivis de Laurent. Quand Olivier eut fait connaître sa qualité d'employé supérieur de la préfecture, tout fut terminé en 10 minutes. Les canotiers étaient encore là, racontant la noyade dans ses moindres circonstances, décrivant la façon dont les 3 promeneurs étaient tombés, se donnant comme des témoins oculaires. Si Olivier et son père avaient eu les moindres soupçons, ce soupçon serait évanoui devant de tels témoignages. Mais il n'avait pas douté un instant de la véracité de Laurent. Ils le présentèrent au contraire à l'agent de police comme le meilleur ami de la victime, et ils eurent le soin de faire mettre dans le procès-verbal que le jeune homme s'était jeté à l'eau pour sauver Camille Raquin. Le lendemain, les journaux racontèrent l'accident avec un grand luxe de détails. La malheureuse mère, la veuve inconsolable, l'ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait divers, qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s'enterrer dans les feuilles des départements. Quand le procès-verbal fut achevé, Laurent sentit une joie chaude qui pénétra sa chair d'une vie nouvelle. Depuis l'instant où sa victime lui avait enfoncé les dents dans le cou, il était comme roidi. Il agissait mécaniquement, d'après un plan arrêté longtemps à l'avance. L'instinct de la conservation seul le poussait, lui dictait ses paroles, lui conseillait ses gestes. À cette heure, devant la certitude de l'impunité, le sang se remettait à couler dans ses veines avec des lenteurs douces. La police avait passé à côté de son crime, et la police n'avait rien vu. Elle était dupée, elle venait de l'acquitter. Il était sauvé. Cette pensée lui fit éprouver tout le long du corps des moiteurs de jouissance, des chaleurs qui rendirent la souplesse à ses membres et à son intelligence. Il continua son rôle d'ami éploré avec une science et un aplomb incomparables. Au fond, il avait des satisfactions de brute. Il songeait à Thérèse qui était couchée dans la chambre en haut. « Nous ne pouvons laisser ici cette malheureuse jeune femme, » dit-il à Michaud. « Elle est peut-être menacée d'une maladie grave. Il faut la ramener absolument à Paris. Venez, nous la déciderons à nous suivre. » En haut, il parla. Il supplia lui-même Thérèse de se lever, de se laisser conduire au passage du Pont-Neuf. Quand la jeune femme entendit le son de sa voix, elle tressaillit. Elle ouvrit ses yeux tout grands et le regarda. Elle était hébétée, frissonnante. Péniblement, elle se dressa sans répondre. Les hommes sortirent, la laissant seule avec la femme du restaurateur. Quand elle fut habillée, elle descendit en chancelant et monta dans le fiacre, soutenue par Olivier. Le voyage fut silencieux. Laurent, avec une audace et une imprudence parfaites, glissa sa main le long des jupes de la jeune femme et lui prit les doigts. Il était assis en face d'elle, dans une ombre flottante. Il ne voyait pas sa figure qu'elle tenait baissée sur sa poitrine. Quand il eut saisi sa main, il la lui serra avec force et la garda dans la sienne jusqu'à la rue Mazarine. Il sentait cette main trembler, mais elle ne se retirait pas. Elle avait au contraire des caresses brusques, et l'une dans l'autre, les mains brûlées. Les paumes moites se collaient, et les doigts, étroitement pressés, se meurtrissaient à chaque secousse. Il semblait à Laurent et à Thérèse que le sang de l'un allait dans la poitrine de l'autre en passant par leurs poings unis. Ces poings devenaient un foyer ardent où leur vie bouillait. Au milieu de la nuit et du silence navré qui traînait, le furieux serrement de main qu'ils échangeaient était comme un poids écrasant jeté sur la tête de Camille pour le maintenir sous l'eau. Quand le fiacre s'arrêta, Michaud et son fils descendirent les premiers. Laurent se pencha vers sa maîtresse et doucement, « Sois forte, Thérèse, » murmura-t-il, « nous avons longtemps à attendre. » « Souviens-toi. » La jeune femme n'avait pas encore parlé. Elle ouvrit les lèvres pour la première fois depuis la mort de son mari. « Oh, je me souviendrai, » dit-elle en frissonnant, d'une voix légère, comme un souffle. Olivier lui tendait la main, l'invitant à descendre. Laurent alla cette fois jusqu'à la boutique. Madame Raquin était couchée, en proie à un violent délire. Thérèse se traîna jusqu'à son lit et Suzanne eut à peine le temps de la déshabiller. Rassuré, voyant que tout s'arrangeait à souhait, Laurent se retira. Il gagna lentement son taudis de la rue Saint-Victor. Il était plus de minuit. Un air frais courait dans les rues désertes et silencieuses. Le jeune homme n'entendait que le bruit régulier de ses pas sonnant sur les dalles des trottoirs. La fraîcheur le pénétrait de bien-être. Le silence, l'ombre, lui donnaient des sensations rapides de volupté. Il flânait. Enfin, il était débarrassé de son crime. Il avait tué Camille. C'était là une affaire faite dont on ne parlerait plus. Il allait vivre tranquille, en attendant de pouvoir prendre possession de Thérèse. La pensée du meurtre l'avait parfois étouffé. Maintenant que le meurtre était accompli, il se sentait la poitrine libre. Il respirait à l'aise. Il était guéri des souffrances que l'hésitation et la crainte mettaient en lui. Au fond, il était un peu hébété. La fatigue alourdissait ses membres et sa pensée. Il rentra et s'endormit profondément. Pendant son sommeil, de légères crispations nerveuses couraient sur son visage.